danse-moi de ta beauté avec un violon en flamme. Danse-moi dans la panique jusqu'au repos de mon âme. Touche-moi avec ta main nue pour canter le velours. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin. À deux pas de la ville, au bal de ma banlieue, un piano là tranquille fait valser la fleur bleue. Le patron romantique n'a rien voulu savoir. La guitare électrique n'entre pas chez Renoir. À la saison des prunes, on n'y vient qu'à noter. Et le soir à la brune, boire un aligoté, ou calmer sa fringale d'une truite en passant, sur la table bancale où dînait Maupassant. On y oublie la ville au bal de ma banlieue. Le dimanche ça défile, mais la semaine ça va mieux. Le patron romantique dépourvu d'ambition, dans sa guinguette antique d'avant l'exposition, a fermé la frontière aux machines à monnaie. Il n'a même pas pu se faire au billard japonais. Et pour le prix d'une bière ou d'un petit café noir, dans un petit coin pépère, je déguste un Renoir. Avec un autochtone, un rêveur de banlieue. Par un beau soir d'automne tellement merveilleux, qu'il la rêvait, c'est bête, juste à côté de moi. C'était un vieux poète dans une guinguette en bois. C'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai. C'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. It was Graham Allwright with Danse-moi vers la fin de l'amour. Dance with me to the end of love. Then Marcel Amon with Au bal de ma banlieue, At the ball in my suburb. And then Richard Anthony with J'entends siffler le train, I can hear the train whistle. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Arthur Ashe avec Confession Nocturne, Nocturnal Confessions. Then Jean Corti avec Coude à coude, Elbow to Elbow. Arrivé vers 10 heures du soir, avec ta robe rouge et du jus d'ananas, tu m'as embrassé et tu as chanté. Pourquoi la vie est si belle, pourquoi la vie est si belle? La nuit est tiède. La fenêtre de la cuisine est grande ouverte. Tu t'es assis sur le rebord. Pourquoi la vie est si belle? Pourquoi la vie est si belle? L'amour n'est ta personne, mais tu vois comme c'est bon de nous être fidèles. Je ne peux pas te cacher mon vrai visage. Pourquoi la vie est si belle? Pourquoi la la vie est si belle. Yeah. It was Arthur Ashe with Confession Nocturne. Now we're going to listen to Julien Clerc with Le Temps d'Aimer, Time to Love. Then Lynn Renault with the song called Loulou, and Loulou was her husband. And then Les Berruriers Noirs with Mineurs en Danger, Miners in Danger. Le jour se lève et tu dors, mon amour. Moi, je te regarde, je ne prends pas garde à tes affaires en vrac. Tout autour, mon amour, le désordre, c'est ton style. Et le mien de t'écouter, endormi dans cette ville, respirer le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer. Le jour se lève et je suis sur mes gardes. De quelle vie en rêve aurais-tu envie, dans l'ombre où se replie mon corps infini. Le silence, c'est ton style, et le mien, c'est de tout dire. Quand je me sens près de toi, en exil, le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer. Et plus je t'aime et moins je te connais, même si de près, là je t'imagine. Quand le soleil dessine ton âme comme une sanguine, la révolte, c'est ton style. À tes risques et périls, je ne suis ni désinvolte ni docile. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer. C'est ton style et le mien de t'écouter, endormi dans cette ville, respirer le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer. Le silence, c'est ton style, et le mien, c'est de tout dire. Quand je me sens près de toi, en exil, le temps d'aimer. Quand on perdait nos bagages entre la France et l'Amérique, et tes paroles et ta musique. Loulou, je perds un peu la mémoire. Raconte-moi notre histoire. Il y avait une guitare à deux places sous les lumières de Las Vegas. Je me souviens seulement d'une chanson de toi qui disait simplement ces mots-là. Je t'aime, la la la di da da. Je t'aime, la la la di da da. Je t'aime, la la la di da da. Je t'aime. la la la la la la, je t'aime. La la la la la la, je t'aime. La la la la la la, je t'aime. Loulou, c'était juste après la guerre. La demoiselle d'Armentières et cette cabane au Canada, tu l'avais construite pour moi. Loulou, comme les années passent vite, je voudrais savoir la suite de ce roman inachevé que je n'ai pas fini d'oublier. Je me souviens seulement d'une chanson de toi qui disait simplement ces mots-là. Je t'aime, la la la la la la, je t'aime, la la la la la la, je t'aime, la la la la la la, je t'aime, je t'aime, la la la la la la. Je t'aime, la la la la la la. Je t'aime, la la la la la la. Je t'aime. Thank you. It was Julien Clerc with Le Temps d'Aimer, Lynn Renault with Loulou, and Les Béruriers Noirs with Mineur en Danger. Now we're going to listen to Julien Doré avec J'aime pas, I don't love it. Then Trio with Sortez-les, Check Them Out. Oh, j'aime bien quand tu fais comme si j'étais pas là. Oh, j'aime bien quand tu fais comme si et moi comme ça. Mais j'aime pas comment tu m'en dis, qu'est-ce que tu bois. Oh, j'aime pas comment tu conduis, j'aime pas quand tu dis regarde-toi. Oh, j'aime tellement te faire mentir que tu me crois. Oh, j'aime tellement quand tu soupires qu'ils sont pour moi. Mais j'aime pas comment tu me dis regarde-toi. Oh, j'aime pas comment tu conduis, j'aime pas quand tu qu'est-ce que tu bien sur tes grands chevaux monter parfois. Oh, j'aime bien dans tes petits pots tremper mes doigts. Mais j'aime pas comment tu me dis qu'est-ce que tu bois. Oh, j'aime pas comment tu conduis, j'aime pas quand tu dis regarde-toi. Avoir les fauves tournées en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez saignez-vous donc en musique. Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du sur église. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et prédigérer. Donnez-nous du vis, surgeler nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. La thune qui vaille, noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à éclater. Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair, blindez des plus beaux apparats, excitez-nous, excitez-nous, excitez-nous plus que ça. Rendez vos sponsors, à tout bout de champ, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs, empêchez-nous, empêchez-nous de partir. Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nous vos millésimes. Je suis accro. Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe, c'est pas l'heure. C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous divertir. Donnez-nous de la meuf décolorée, les en jaune de phare. Et souris-moi, et faites gicler vos proies. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les. Sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir. Et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes, de celles qui sont nauséabondes. Inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Now we're gonna listen to Dalida avec Je suis malade. I am sick. Then Benjamin Biolay with Ton héritage, Your heritage. And then Lojo avec Armand Guy. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché,

was Dalida with Je suis malade, Benjamin Biolay with Ton héritage, and Lojo with Armand Guy. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Edith Piaf with Ne m'écris pas, Don't write to me, Pierre Solange Ensemble Musette avec Pigalle, and Jacques Brel avec Les Bonbons, The Candies. Alors tu t'en vas en voyage, le train est là prêt à partir. Allons maman, prends tes bagages, et au soleil pour te retire. C'est le joli temps des vacances, et moi je dois rester ici. Bon, la vie, au fait je pense, écoute-moi bien mon chéri. Ne m'écris pas, cela me paraît inutile. Je ne veux pas de mon futile, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Pour la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas. C'est embêtant, c'est monotone que d'écrire ainsi chaque jour. Quand dans les bois les pauvres donnent pour t'amuser des chants d'amour. Profite donc de tes vacances, ton stylo tu dois le briser. 15 jours de libre existence, sache bien les utiliser. Ne m'écris pas, cela me paraît inutile. Je ne veux pas de mon futile, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Pour la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas. Je dis ça parce que je songe à ton bonheur, à ta santé. Comment dis-tu, c'est un mensonge, tu veux savoir la vérité. C'est vrai, je me cachais peut-être de te mentir, j'avais grand soin. Mais j'ai peur au cours de tes lettres de voir que tu m'aimes un peu moins. Ne m'écris pas, cela me paraît inutile, je ne veux pas de mots futiles, ne m'écris pas. La lettre jetée en vitesse, il fait beau baiser de bien loin. Ou la lettre de politesse, je n'en veux point. À ton retour, tu parleras, mais de là-bas, ne m'écris pas.

ciment de ton sexe dans mon sein. Mon œil, mon œil, mon œil. Mon œil t'accueille. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Sans effort, dame d'un soir, je te dessine quand je m'endors. Laisse faire la lumière, laisse-toi soulever doucement, ferme les yeux. Dehors il pleut un peu, tu dérives captive vers le soleil blanc d'un nouveau jour. Quelqu'un t'attend au bout de l'océan. Soir, je t'imagine sans effort. Dame d'un soir, je te dessine quand je m'endors. Les sirènes te préviennent qu'un voilier s'approche de ton corps, plein de rubans et de papillons blancs. Tes ailes d'enfant, nos épaules se frôlent, nos voiles se fondent au même feu, nos corps se glissent jusqu'aux plages d'Atlantique. Was Chloé Sainte-Marie with Brûlot, Patricia Cass with Mon mec à moi et Francis Cabrel with Dame d'un soir. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar and announcements for the francophone, francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Brahim with Tout n'est que business, Everything is business, Serge Gainsbourg avec L'eau à la bouche, A Watering Mouth, and Bébé Brune avec Visage, or Face. Hey, ouais, certains vont de la mort, certains vont de la vie, certains vont de leur corps. D'autres vendent leur esprit, tout s'achète, tout se vend, se discute, se négocie. Tu peux payer et cash ou alors à crédit. Certains vendent de l'alcool et d'autres vendent du tequi. Certains vendent de la canne, d'autres vendent dans les pharmacies. Certains vendent des patchs, d'autres vendent des cigarettes. Certains vendent des armes et veulent que les guerres s'arrêtent. Car tout n'est que business, tout n'est que business. Partout dans tout ce que tu fais, faut passer à la caisse. Tout n'est que business, tout n'est que business. Tous les jours de ta vie, il faut payer sans cesse. Tout n'est que business, tout n'est que business. Partout dans tout ce que tu fais, faut passer à la caisse. Et si on parlait de sport, je veux pas casser ton délire, c'est vrai dans certains sports. C'est de l'argent lourd dans de gros business à base de sponsors, à base de dopage pour essayer de battre tous les records. Ils veulent tous aller avec l'argent pour gagner l'or. Dès que l'argent s'affile de trop, la droiture se tord. Tout n'est que business et dans bien d'autres choses encore. On discute, on négocie, on trouve un accord. Car tout n'est que business, tout n'est que business. Partout dans tout ce que tu fais, faut passer à la caisse. Tout n'est que business. C'est toujours tout pour la monnaie. Tout sur cette terre est à vendre ou à acheter. Même tes funérailles, il faudra bien les payer. T'as payé toute ta vie, tu paieras même ta mort. Ta mort est ta business sous terre, tu payes encore. Il y a ceux qui payent et ceux qui encaissent. Et si les politiciens ne font que des promesses, c'est que tout n'est que business, tout n'est que business. Partout dans tout ce que tu fais, faut passer à la caisse. Tout n'est que business, tout n'est que business. Les jours de ta vie, il faut payer sans cesse. Tout n'est que business, tout n'est que business. Partout dans tout ce que tu fais, faut passer à la caisse. Tout n'est que business, tout n'est que business. Tous les jours de ta vie, il faut payer sans cesse. Hey! Dans certains business, l'argent passe sous les tables. Il corrompt des gens, te fait devenir plus serviable. La convoitise rend certains impitoyables. Et pour que tu consommes, tout est envisageable. En leur disant que ce qui tue, c'est bon pour la santé. Je serai calme, je saurai t'attendre et pour pour que tu ne t'effarouches. Vois, je ne prends que ta bouche. Was Brahim with Tunica Business, Serge Gainsbourg avec L'eau à la bouche, et Bébé Brune with Visage. Now we're going to listen to Dalton Telegram avec Vosagraph, your staples, not sure, and Eddie Mitchell with Alice. Sur les escaliers, à fixer les moulures du plafond, perdu dans ce poulailler, où dansent des amis que nous nous partageons, mais la vue de vos bas collants me donne l'envie de vous voir, me collant au basque, juste le temps de trahir celle qui pourtant m'attend. Laissez-moi donc faire cette gaffe, laissez mes doigts défaire vos agrafes, et que demain un voile sur nos souvenirs. Mais laissez-moi venir, oui, laissez-moi venir. Je peux vous dire dès maintenant que dans les secondes à venir, vous me dévoilerez vos sentiments, et que dès l'instant où l'éclat de vos rires, et que dès l'instant où l'éclat de vos dents pourrais plus me retenir de trahir celle qui pourtant m'attend. Laissez-moi donc faire cette gaffe. Laissez mes doigts défaire vos agrafes. Et que demain en voile sur nos souvenirs. Mais laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Laissez-moi donc faire cette gaffe. Laissez mes dents défaire vos agrafes. Et que demain en voile sur nos souvenirs. Mais laissez-moi venir. Oui, oui, laissez-moi venir. Dalton Telegram with Vosagraph and Eddie Mitchell with Alice. Now we're going to listen to Michel Delpech avec Les Divorcés, The Divorced, et Damien Saez avec Autour de moi, Les Fous, Around Me, The Crazies. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce

prête et sélection, c'est la prostitution. C'est Connard le barbare qui gouverne les toiles, la faim sur les trottoirs de la Californie. Et la merde qu'on bouffe au cours de paradis. On s'achète, on se vend devant des hémisphères. On se jette, on se prend contre un peu d'éphémère. Sur les toiles d'argent, choisir un camp, l'obscur ou la lumière, l'obscur ou la lumière. Autour de moi les faux font la conversation, les tenets du système, moi je n'y comprends rien. À la table des rois, on a jeté les dés, les peuples sous la croix. Y a Martin, Elisa, qui me disent on y croit. Dire qu'on avait des rêves, rappelle-toi. It was Michel Delpech avec Les Divorcés and Damien Saez with Auto. Now we're gonna listen to Nicolas Pogam avec Le Dortoir du Bon Dieu, which we can translate as The Dormitory of God. Then Laurent Voulzy avec Le Soleil Donne, The Sun Give. And it's a very inclusive song because it says the sun gives the same color to everybody. So like white people become more tan and, you know, that kind of smooth difference. And Nino Ferrer avec Kinou. Aux zèbres de Belleville, on lorgne la poitrine de sa voisine, une latine, une bombe qui frétille. Aux zèbres de Belleville, on s'amuse, on taquine. Et au divan du monde, quand la musique inonde le bruit des staccati, tout à la ronde, le bruit des staccati couvre la batterie. Et dans la foule immense, j'avais pas vu l'immense dortoir du bon Dieu. Au fond, il n'est pas fou de vivre. Au fond, il n'est pas fou de vivre. Au mélodame et l'île est mélodie, stoppée par les douleurs indicibles, stoppée par des tireurs invisibles. Au zénith, le vent des ciments, on retrouve là de bien simples vivants, on retrouve là de bien simples vivants. Et dans la foule immense, j'avais pas vu dortoir du bon Dieu. Au fond, il n'est pas fou de vivre. Au fond, il n'est pas fou de vivre. Dortoir du bon Dieu. Au soleil. Ce vieux désir super qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil. L'or intelligent, le soleil la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. C'est le moment, tu t'en vas vers une autre vie dont tu ne sais rien encore. Sauf que c'est It was Nicolas Pogam avec le dortoir du bon Dieu, Laurent Voulzy avec le soleil donne, and Nino Ferrer with Kinou. Now we're gonna listen to Grand Sommet avec Orsol et les Wampas avec Rimini. Nos vaches sont suspendues à un mètre du sol, se souviennent du soleil, s'acclimatent au sous-sol. Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes. Et sur le trône nos fesses rivalisent de blême. On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins. Et l'on passe notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur à l'approche d'un cyclone soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Hors sol, l'espoir en nos enfants doit passer par l'école. Construisons des écoles où la terre est au centre. On bâtit nos mariages des enfants dans le ventre. On construit des maisons mais nos bases sont hors sol. Bébé hydroponique, tête aux gouttes à gouttes. Si nous regardons les arbres, c'est qu'on s'ennuie de la route. Et je pense à ces livres qu'on ne doit raturer. On respecte les arbres, mais on ne sait les aimer. Hors sol, hors sol. Sont hors sol quand nos parents s'en vont. Hors sol, nos racines sont hors sol quand nos parents s'en vont. Oh,